Ok. Est-ce que tu as d'autres choses à dire, à rajouter ou... Oh, pas grand chose, hein. Donc je pense que maintenant, je pense que voilà. Donc, je pense que ces expos, si ma mémoire sont bonnes, l'expo Marvel et l'expo Star Wars devraient tourner vers l'étranger maintenant. Ouais, bah je sais ouais, que j'avais regardé pour l'expo Star Wars qu'il y avait, bah, ils avaient fait plusieurs dates aux États-Unis, mais qu'il y avait encore plein de dates à venir non annoncées. Ça va tourner. Et pour Star Wars et pour Marvel, c'est pareil, donc ça va tourner vers l'extérieur. Donc ça prouve bien que c'est des expos qui marchent et qui trouvent leur Oui. public. Ils ne le feraient pas, de toute façon. Déjà, ils ne le feraient pas de base, et d'autant plus, ils Oui, ne le c'est feraient pas sûr. tourner. Et moi, du coup, ça me fait plaisir parce que c'est des cultures qu'on a longtemps dit c'était pas ça, faut pas lire Oui. ceci, faut pas regarder cela. Et moi, je trouve ça me plaît beaucoup. Et puis, il y avait du monde quand je suis allé à l'expo Marvel, bon, entre le fait des poussettes. Il y avait des Oui. chats. C'est comme il y avait quand même derrière. Oui, bah après, ça va être plus au niveau des suite au succès des films, je pense. Ah oui, non, mais ça, les films, c'est sûr. Mais j'ai vu deux filles qui faisaient un petit débat pour ça, pour estimer le prix d'une planche. Je suis allé les aider parce que moi, je connais bien, à force. Ouais. Je connais le fourchette de prix. Ah, vous voyez ça plus cher, un peu. Et bien, c'était dans une tranche de prix qui était pas mauvaise, quoi. C'est toujours des prix un petit peu foufou, mais. Oui, bah après, oui, c'est. Ah ben là, Ça reste quand même de l'art, donc c'est ça va être 300 € ou quelque chose de ce moi genre-là. j'ai vu une planche de Jack Kirby avec l'encreur qui est aussi très reconnu, donc Joe Sinnott, on est à 1 200 €. Oui. Et c'était une pas chère. Oui, c'est sûr, bah, quand, vu que ce sont deux artistes de renom, ça monte assez vite après dans les prix. Ah oui, dès qu'ils sont renommés, plus d'autant plus que ils sont, ouais, d'autant plus que les planches sont commencées à être un petit peu datées maintenant. À noter d'ailleurs que le papier qu'ils utilisaient est de très bonne qualité, parce que la planche du 1940 du premier Marvel, 130 même, eh ben, elle est dans un très bon état. J'ai été très étonné. Ouais, encore. Et après, il y a des planches, par contre, il y en a une, c'est une planche de encore une fois de Jack Kirby, mais qui n'est que crayonnée. Et là, de suite, on voit la différence avec l'ancrage. Sur le Ouais. temps, de suite, c'est. L'encre, ça garde mieux. Ah oui, de toute façon, c'est des œuvres. Moi, je recommande aux gens, si vous appréciez ça, allez-y maintenant. C'est pareil, quand vous allez à un concert, si vous avez l'occasion d'aller voir un artiste, moi, je prends mon cas personnel, allez-y. Si vous avez. Si, Ouais, c'est vrai, si les finances. c'est toujours un bon moment passé. Voilà, c'est toujours un bon moment passé, mais de toute façon, si vous avez les finances, vous n'avez aucun empêchement, allez-y. Parce qu'on ne sait jamais, un artiste. Sa carrière peut se dégringoler très vite. Les planches qu'ils utilisaient à l'époque, eh ben, un jour elles se détérioreront, il faut dire la vérité. Comme toutes les œuvres, de toute façon. De toute façon, ça Oui, n'a même pas été des ouais. œuvres qui ont été faites pour durer, d'autant plus que c'est des œuvres qui étaient Bah, faites c'est vrai que scanner. quand tu vois que les premiers, bah, les collectionneurs de comics, ils ont, bah, ils mettent des gants, ils ont des pochettes pour ranger leurs comics et tout, c'est tout soigneux, c'est vrai que bah, ça se détériore très vite quand Je même. crois même qu'il faut rajouter ce qui est encore plus hilarant, c'est qu'à l'époque ils étaient faits, alors c'était. Faut pas lécher les pages, hein, parce que c'était de l'agglomérat de papier, c'était collé, c'était. Oui. Pleine de cochonneries. Et c'est grâce à ces cochonneries que ça tient. C'est-à-dire Oui. qu'on est. Ah, c'est la moisissure, hein. Ça tient la moisissure. Ah, mais c'est ça! Non, mais le pire, c'est que si vous mettez un livre moisi avec des livres normaux, en fait, mais ça pourrit une collection, mais à moins qu'il en faut pour le dire. Non, mais c'est ça, ouais, non, mais. De toute façon, c'est ça, voilà. Les vieux comics que nos parents achetaient, il y a que les passionnés qui achètent ça maintenant. Que moi, outre le fait qu'avant, c'était qu'en noir et blanc, sur du papier jauni, et qu'il y avait des fois deux couleurs qui se battaient en duel. Outre le fait de ça, les manipulations, c'est hyper compliqué, quoi. Et c'est ça, c'est des livres qui se détériorent très vite. Donc moi, voilà, donc si j'ai vraiment un conseil à dire aux gens, c'est que si vous avez l'occasion d'aller voir des choses comme ça, allez-y. N'hésitez pas. Ouais, sortez. Sortez, oui, voilà, sortez. Parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer. Combien il y a d'acteurs Regardez, l'année dernière, tout le monde a cherché Paul Walker. Il a fait un tour en voiture, il s'est emplâtré dans un arbre. Oui, malheureusement, c'est vrai que bah on sait pas de quoi l'avenir nous réserve quand même. Voilà, c'est ça. Donc moi, je bon, après, c'est sûr que si vous êtes loin et que vous n'avez pas les finances, ça fait toujours des excuses, ça, c'est normal. Et si vous avez l'occasion d'aller faire Oui. des choses, allez-y, quoi. Mais justement, les artistes, bah peut-être moins les expositions, mais les artistes bougent beaucoup, font des tournées, donc il y a plus de facilité de quand même de voir Après, ouais, des voilà. concerts ou des trucs comme ça. Après, est-ce qu'il faut monter sur Paris pour avoir une expo de comics, à part vraiment être gros fan, moi je recommande pas trop, quoi. Après, c'est vrai, lors de festivals, on va dire, bah, peut-être pas forcément bah, le TGS qu'on a fait lors du précédent épisode, mais il y a des festivals qui montrent aussi des planches originales, qui font des expositions. Je sais que y a les rencontres Chaland à Nérac, où Oui. bah, tu as plusieurs expositions d'œuvres, des planches originales, et tu peux parler avec les artistes, les auteurs et tout, c'est enrichissant parce que tu vois comment ils travaillent, ils t'expliquent aussi eux-mêmes comment ils bossent. C'est pas mal. Donc c'est vrai que Oui, mais c'est des trucs, bah, c'est des trucs à faire. c'est là que ça devient intéressant parce que tu peux leur demander bah, des choses un peu bidons, comme on demande tous, hein. C'est quand sort le prochain. Et Oui. c'est là que tu vois aussi comment ils travaillent, est-ce que s'ils font autre chose à côté, parce que beaucoup de dessinateurs, surtout en franco-belge, ils vivent pas de ça, hein. Faut pas se Oui, ouais, leurrer. y a pas beaucoup d'auteurs. Qui arrivent à vivre malheureusement de leur travail, de leur passion. Moi j'en connais. Il va Oui, moi dégainer. aussi j'en connais un peu, ouais, Ouais. mais c'est. C'est pas 3 livres qui valent. Parce que déjà, je pense que Oui. si, même les dessinateurs qui doivent déjà 10 000, je suis pas sûr qu'ils en vivent déjà. 10 000 Oui. dans le monde de l'édition maintenant, ça commence déjà à faire pas mal, quoi. Bah ouais, puis c'est sûr que pour déjà en avoir discuté justement, c'est plus bah eux ils vivent sur l'avance-sur droit et s'ils ont des droits d'auteur, donc s'ils arrivent à vendre plus que ce qui a été donné en avance, bah c'est super rare. À part vraiment les grands auteurs, les renommés, on va dire les Astérisques ou par exemple les Zep, ça va être très difficile pour les autres d'avoir des droits après. Oui, moi je connais certains dessinateurs, ouais, c'est des grosses quantités. Je peux discuter avec Patrick Sobral qui fait les légendaires, Légendaire, oui. et avec, bon, ça c'est encore un truc que je recommande, et aussi avec Will Mori qui fait la BD Les Sisters. Ouais, Enfin, je connais du nom. c'est des quantités, c'est des énormes quantités qu'ils vendent, c'est impressionnant. Hein. Et ils vivent, bon, je pense pas qu'ils gagnent, je pense pas que les gars roulent sur l'or non plus, quoi. Oui, ils doivent gagner quand même assez pour eux, mais c'est pas, ça doit pas être exceptionnel non plus. Moi j'en connais d'autres aussi, c'est parce que des fois madame elle travaille bien, elle gagne de l'argent, ça les aide bien, quoi. Oui. C'est ça aussi qui est dommage, quoi. Il y en a très peu qui vivent de leur métier, et c'est pour ça des fois que quand on voit les prix que ça coûte, par exemple, financement participatif, il y a quelques BD qui sortent comme ça. Quand on voit les prix qu'ils demandent, en fait on comprend, quoi, parce que rien que le prix d'édition d'une BD, c'est super cher. Oui. Enfin, ça, c'est mes. Bon, ça devrait aller mieux normalement. Il faut espérer que. Oui, de toute façon, avec ils finiront par passer au numérique, de toute façon. Oui. C'est la finalité, hein, mais à une époque, qui aurait dit on lira des livres sur une liseuse avec de l'encre numérique? Oui, On nous aurait bah. rayonné. Et un jour, cette encre Oui. passera en couleur. On dira, ah, c'est bien fait. Ah, l'écran Bah, est vivant, voilà. c'est l'évolution de la technique et ouais, c'est ça, c'est l'évolution. C'est la technologie qui nous permet de faire bah, de nouvelles choses. C'est comme avant. Qui nous aurait dit qu'on aurait des liseuses? C'est pareil. Ah mais c'est ça, hein, non, mais faut pas réfléchir. Hein. Donc c'est vrai que ça fait c'est un sacré voyage dans le temps quand même, tout ce que j'ai fait. Bah oui, bah, partir du début et pour arriver aux liseuses numériques, on a bien parlé. Oui, non mais c'est ça, parce que moi on est quand même parti des années 40 à l'époque. Bon, pas trop à cette époque-là, c'est un petit peu plus tard, sorti Seconde Guerre mondiale. Là, il vendait des quantités quand même de comics, chose années 80, hein, qui était assez Oui, ouais, phénoménale. ça doit être l'âge d'or, Ah oui, non, ça devait y aller. quand on voyait que les soldats, ils partaient avec des comics sous le bras, presque, tu vois. Non, mais c'est vrai, en plus, c'est. D'ailleurs, pour ceux qui seraient intéressés encore une fois par cette époque, il y a un excellent, bon, vraiment excellent, l'excellente biographie de Jack Kirby qui est sortie. Ouais. Alors, je crois que c'est chez Organic Comics. C'est l'information sous vos yeux. J'ai pu discuter avec l'auteur, dont l'auteur a passé une dizaine d'années quand même Ouais, dessus. pour pouvoir faire ouais. Ouais. Oui, c'est vrai, parce que pour compiler, faire des recherches, Ah oui, non, mais. ça prend pas mal de temps. Oui, ça prend pas mal de temps, en plus il était en communication avec la famille, du coup. Oui. Donc, c'est Jean de Pelé qui a fait la biographie. Et donc, voilà, ça lui a pris déjà 10 ans. Il y a le tome, la seconde partie qui doit bientôt sortir. Et c'est. Bon, certes, il faut aimer Jack Kirby, mais c'est un excellent reflet de savoir comment il travaillait à l'époque. En gros, avant de partir à la guerre, parce que Jack Kirby a fait comme beaucoup d'Américains à l'époque, est venu sur le sol français. Nous libérer Sur du le joug vieux continent. sur le vieux continent, nous libérer du joug des nazis. Et ben, avant de partir, c'était y travailler jour et nuit pour faire un stock de planches. Et arriver, ça c'est le pire. Revenu de là-bas, parce que c'est marqué dans la biographie quand même. À un moment, il a tiré sur des Allemands. Et les Allemands sont morts. Oui, sur d'autres personnes, Sur oui. des personnes et ces personnes-là sont mortes. Ils sont revenus. C'est comme si la parenthèse était fermée, tu vois. On repart au boulot aussi sec, quoi. C'est assez impressionnant, quoi. Et du coup, on comprend comment ça marchait mieux à l'époque, ses rapports avec ses dessinateurs contemporains, avec ses pairs. Et c'est assez vraiment intéressant, quoi. Donc, si vous aimez le comics, je vous recommande de lire cette bio, dont la seconde partie va sortir bientôt. C'est De vraiment. toute façon, oui, pareil, je mettrai un lien dans l'article Ouais, non, mais c'est vraiment pour intéressant, quoi. Mais ça, en fait, ça étaye bien ce qu'on a vu juste avant, quoi. Oui, ça montre bien. Avec l'expo, voir que les conditions dans lesquelles il travaillait, ça étaye vachement, parce que bon, le travail ne peut malheureusement pas être fait, parce que voilà, si on commence à parler de dessinateurs de fond en large et en travers, on peut plus parler d'autre chose, quoi. Oui. Mais non, c'est vraiment bien, quoi. Oh ben, moi je dirais, si vous avez l'occasion d'aller voir ces expos, allez-y et voilà. On revient dessus, voilà, sortez, culturez-vous comme ils disent. Oui, il y a des expos, bon malheureusement elles sont toujours souvent à Paris, mais allez-y quoi, il y a des expos au Gottlieb, il y a des expos à Alan Moore qui tournent en France, allez jeter un œil, ça coûte rien. Ça coûte une entrée, après vous verrez bien. Oui. Voilà.